Alléluia. Je bénis vraiment Dieu pour ces moments. On attend depuis très longtemps un camp avec l'évêque Dad Hiradim. Et c'est une grâce, c'est une vraie grâce d'être ici avec vous tous. Amen. Seigneur, merci pour ta présence ici. Merci pour cette grâce d'être réunis et rassemblés en ton nom. Seigneur, aie libre cours ce soir et parle à nos cœurs. Nous prions au nom de Jésus. Amen. All right. Quelle bénédiction. J'ai un grand devoir. C'est de partager quelque chose avec vous ce soir. Amen. Alléluia. L'évêque, il est en route. Il va arriver. Donc soyez prêts. OK? Mais en attendant, vous allez me supporter. Amen. Deutéronome chapitre 2, verset 24. Amen. Je vais juste partager quelque chose du livre Un bon général. Amen. Puisque nous tous, nous sommes des ouvriers, n'est-ce pas? Certains sont des bergers, certains sont des pasteurs, certains ne savent pas ce qu'ils sont. Mais nous tous, nous voulons faire quelque chose pour le Seigneur. Amen. Et même le fait d'être ici, c'est déjà bien. Je sais que tu es quelqu'un de sérieux. Dis à ton voisin, tu es quelqu'un de sérieux. Amen. Alléluia. Olivier, dis à ton voisin. Amen. Deutéronome, chapitre 2, verset 24. Si vous avez le livre, c'est le chapitre 5. Le principe du combat. Bon, déjà, le thème, le plus petit deviendra un millier. C'est un thème qui donne de l'espoir. Amen. Donc, je crois que lorsque l'évêque viendra, il va nous charger. Et nous allons quitter ici vraiment en feu. Et des guerriers qui seront relâchés pour le combat et le travail. Amen. Le principe du combat consiste à s'emparer de nouveaux territoires et de nouvelles choses par la force et à se défendre soi-même. Ok? Le principe du combat consiste à s'emparer de nouveaux territoires et de nouvelles choses par la force et à se défendre soi-même. Deutéronome 2, 24. Levez-vous, partez, et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête. Fais-lui la guerre. Alléluia. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Alléluia. Le premier point, je commence déjà, c'est le principe c'est que le principe de la guerre consiste à s'emparer de nouveaux territoires. Amen. Nous sommes en guerre. La Bible nous demande de combattre le bon combat. Le combat, ce n'est pas des vacances. Même si vous regardez un combat, un faux combat à la télé, le catch, ce qui est le préféré de certaines personnes. Vous voyez le catch, c'est un combat. Et on ne peut pas faire ça déjà étant assis, étant confortable, dans son lit allongé, les pieds... sur la table, quelque part. On ne peut pas. C'est un combat. Et le combat demande une certaine force, une certaine énergie. Et le premier point dit, le principe de la guerre consiste à s'emparer de nouveaux territoires. Mais lorsque vous allez vous emparer de nouveaux territoires, vous ne pouvez pas aller en diplomate et négocier gentiment, donnez-moi votre territoire. Quand on était des colons, colons? Ok. Les pays occidentaux sont venus combattre. Il y a eu des morts, n'est-ce pas? Ils sont venus s'emparer de nouveaux territoires. Vous pensez que la Grande-Bretagne était assise en Grande-Bretagne et puis ils ont envoyé peut-être un ou deux négociateurs pour venir voir les chefs des villages africains pour dire, soyez gentils et donnez-nous quelques territoires, juste ici, là. Non. Il fallait se battre pour acquérir ces territoires. Et nous sommes des soldats, n'est-ce pas? Si vous voulez élargir vos territoires, il va falloir se battre. Amen. Et je crois que chaque branche représentée ici devrait comprendre que si vous allez élargir vos territoires, si vous allez accomplir de grandes choses, vous devez avoir la mentalité de quelqu'un qui est dans un combat. Nous sommes en guerre. Alléluia. On n'a pas le temps d'aller faire des manicures et des pédicures. On n'a pas le temps d'aller acheter les cheveux brésiliennes au marché. On n'a pas le temps d'aller jouer au golf. On n'a pas le temps d'aller apprendre à nager à la piscine. Tout ça là, c'est juste des choses qu'on fait pour nous occuper. Mais la vraie raison pour laquelle nous sommes ici, c'est la guerre. Amen. Et nous avons un ennemi en commun. Alléluia. On ne peut pas se reposer. Si on veut vraiment accomplir de grandes choses, il faut avoir la mentalité de guerrier. Alléluia. Des combattants. Amen. Ceux qui doivent perdre des kilos doivent perdre des kilos. Ceux qui doivent s'exercer, faire un peu la musculation, doivent le faire. Amen. Il y a trop de vacanciers dans l'église. Trop de vacanciers, trop de écoliers, trop de touristes, merci, à l'église. Amen. On veut que les choses soient confortables. Nous voulons être à l'aise. Tu ne peux pas être à l'aise dans la guerre. Si tu veux gagner et acquérir des territoires. Amen. Alléluia. Dans votre petite église de 50 membres, de 100 membres, il y a encore des âmes à gagner. Il y a encore des territoires à gagner. Dans vos différents pays, il ne faut pas être satisfait d'avoir une seule branche, deux branches. C'est dans un pays? Non. Alléluia. Des branches. Mais pour avoir les branches, on a besoin de guerriers. Parce que c'est une guerre. Amen. Et l'ennemi ne va pas nous donner son territoire juste gentiment. Il ne va pas vous appeler à la maison. Pardon, il y a un petit territoire que vous pouvez... Non. Alléluia. Josué 1. Verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Éthiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. » Dieu avait dit à Moïse que la promesse que j'ai faite à Josué, la promesse que j'ai faite à Moïse, j'aurai les mêmes conditions avec vous et votre peuple. Ok? Mais il va falloir que vous leviez. Même si Dieu vous donne le territoire, il faut se lever et il faut faire quelque chose. Alléluia! Il dit, maintenant, lève-toi. Le temps, c'est maintenant. Ce n'est pas pour demain. Il ne faut pas reporter à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Alléluia. Il dit, maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Dieu a donné. Alléluia. Il nous a demandé d'aller partout dans le monde, faisant des disciples, enseignant, les baptisant, n'est-ce pas? Il faut se lever pour y aller. Amen. C'est un combat. D'accord? Ok. Donc, Josué a reçu l'ordre et il a dû décider. Est-ce que j'obéis ou je n'obéis pas? Si tu obéis, Dieu dit, je vous ai déjà donné le pays. Si vous désobéissez, vous n'aurez pas ce que Dieu vous a donné. Amen. Même si Dieu vous a donné le territoire, il demande que vous vous leviez pour y aller. Et c'est un combat. Ok, ce n'est pas un supermarché où tu vas juste choisir les différentes branches que tu veux. J'aimerais une branche à... Où? À Paris. Quel arrondissement? 9e arrondissement. Non. Il va falloir se battre. Parce que le territoire appartient à quelqu'un qui ne veut pas céder sa place. Amen. Donc nous devons nous lever et prendre possession de nouveaux territoires. Amen. Vous dites amen, est-ce que vous allez partir? Amen. Et ces territoires sont déjà occupés. N'est-ce pas? Donc il va falloir travailler dur pour les acquérir, pour déplacer déjà les citoyens et prendre possession du terrain. Amen. C'est le bon combat. C'est le bon combat. Il y a des combats qui sont inutiles. Des combats qui sont mauvais. Mais Dieu nous demande de nous engager dans un bon combat. Amen. Le combat avec ta belle-mère n'est pas un bon combat. Le combat avec... Donc, le concierge, n'est pas un bon combat. Ici, là, c'est le landlord, c'est pas le concierge. Ce n'est pas un bon combat. Avec le voisin qui fait du bruit, ça, ce n'est pas le combat dont nous parlons. Il y a un bon combat qu'on doit mener avec un certain ennemi que nous avons. Alléluia. Pour pouvoir acquérir de nouveaux territoires. Abidjan est grand. Tellement grand. Énorme. Donc vous devez... How do you say, roll up your sleeves? Retoussez les manches. Dis à ton voisin, retousse les manches. Amen. Va falloir retousser les manches. On va partir d'ici avec un Français de la France. Pas votre faux français que vous m'avez appris. Hein. Alléluia. On va retousser les manches. On va travailler dur. On va salir les mains. Les ongles vont se casser. On va transpirer. Alléluia. On va se salir. Amen. On ne va pas s'asseoir derrière la télé et donner des instructions. Amen. Il y a des territoires à acquérir. Amen. Tu ne voudras pas céder ton petit territoire facilement. Donc l'ennemi aussi ne va pas céder son territoire facilement. Il ne faut pas attendre à aller évangéliser et tout le monde à qui vous parlez va donner sa vie à Christ. Et ces personnes vont vous suivre gentiment comme des bonnes petites brebis à l'église. Comment? Ce n'est pas possible. En fait, c'est impossible. Yeah. Donc, même quand vous parlez à 20 personnes et 5 personnes dans leur vie, c'est déjà beaucoup. Parce que c'est un combat. Amen. Hey. Toute forme d'expansion, d'élargissement, demande un effort. Un bon combat. Pour que votre petite cellule à la maison grandisse de 2 personnes, c'est-à-dire toi et ta brebis. Pour que ça grandisse, il faut combattre. Un bon combat. Alléluia. Dieu nous appelle à conquérir de nouveaux territoires pour lui. Amen. Et cette conquête, je lis le livre. Cette conquête ne peut pas être réalisée par des chrétiens calmes, assoupis et chantonnants qui veulent seulement rester à un seul endroit pour passer de bons moments d'adoration. Je voudrais être à tes pieds, voir d'une coupe en tes mains. What's the rest? Ce n'est pas ça qui va nous amener à conquérir des territoires. Amen. Ce n'est pas des petits chants d'adoration. C'est beau d'adorer. Il ne faut pas mal me comprendre. C'est important. L'adoration est primordiale. Amen. Yeah. Mais ce n'est pas comme ça que nous allons gagner les territoires. Ça, on a besoin de Choboy. Choboy. Choboy. Choboy. Pour pouvoir gagner les territoires. Amen. Alléluia. Deuxième point. Deuxième point. Amen. Dès que l'onction, écoutez d'abord avant de donner le deuxième point. Dès que l'onction de l'expansion descend dans votre vie, vous allez conquérir de nouveaux territoires. Et vous serez toujours engagé dans une bataille ou une autre. Quand une bataille prend fin, préparez-vous pour la suivante. Amen. Ça, c'est un bon soldat qui ne baisse jamais les bras. Amen. Point numéro 2. Donc, point numéro 1, c'était quoi? Le principe de la guerre consiste à s'emparer de nouveaux territoires. OK? Nous sommes en guerre. Deuxième point, la guerre consiste à s'emparer des choses par la force. Par la force. Matthieu 11, 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Il y a une certaine gentillesse qui nous a pris dans l'Église. Une certaine douceur, diplomatie. Après tout, Jésus a dit que vous soyez doux comme les quoi, colombes. N'est-ce pas? Donc cette douceur nous a pris et nous sommes heureux et satisfaits d'être des petits colombes dans l'Église. Et le monde est en train de mourir parce que nous sommes devenus trop paresseux. Nous ne pouvons pas sortir de notre petite maison pour aller évangéliser, pour aller gagner une âme à ajouter à notre cellule. Nous sommes trop paresseux d'aller organiser une petite évangélisation pour notre groupe, notre ministère. Tant que le pasteur n'a pas dit, tant que le pasteur ne nous a pas appelés, nous sommes tranquilles. Avec des beaux projets de quoi? Maria. Il y a certains même qui sont venus avec quatre yeux. Quatre. Veillez et priez. Veillez et priez. Veillez. Vous avez vos projets. Je vous connais. Ça fait déjà quelques années que je vous connais. Vous là. Et des projets qui n'ont rien à voir, qui n'ont rien à voir avec la bataille. Mais pour pouvoir élargir nos territoires, il va falloir se battre. Et prendre les choses par force. Avoir un front dur. Amen. Jeune homme, jeune femme, vieil homme, vieille femme. Hein? Nous sommes tous dedans. Alléluia. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui vont accomplir. Amen. Violents en esprit, qui ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont. Quand vous demandez à certaines personnes, combien de personnes sont venues à votre cellule? Nous étions cinq. Nous étions cinq. Quand quelqu'un se lève et dit, on était deux, on était trois, nous étions cinq. Avec fierté. Vous pouvez être dix. Vous pouvez être 5, 15, pourquoi pas 20? Pourquoi pas me demander, oh, nous sommes trop nombreux maintenant, il faut partager. Pourquoi pas? Mais vous êtes satisfait avec votre 5. Même le 5 là. Tu es dedans, donc c'est vraiment 4, c'est 4. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les agressifs. Je, spirituellement parler. Il ne faut pas aller se battre et puis dire, IS m'a demandé de venir. Non, pardon. Alléluia. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a des gens, quand vous regardez leur visage, comme s'ils ne pouvaient pas tuer même une moustique. Une moustique. Mais quand il s'agit de certaines choses, on voit l'énergie, la force, la détermination, l'agression. Mais quand il s'agit des choses spirituelles, on devient des colombes. Ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, voici, il a l'air violent ou gentil, ton voisin. Violent. Montre à ton voisin un visage violent, un visage violent. Alléluia. Ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Un violent n'accepte pas facilement le non. On ne rejette pas facilement un violent. Il va revenir. Oh, IS, quand on est parti, c'était vraiment difficile, hein? Ils n'ont même pas voulu nous répondre. Ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Il va falloir une certaine détermination d'aller encore et encore et encore. Amen. Parce que ce sont les âmes qui disparaissent, qui sont précieuses. Alléluia. Et nous aussi, nous devons avoir cette attitude. Comprendre que c'est urgent et c'est important. Lorsque vous allez quelque part, vous êtes en taxi, combien de personnes ont en idée d'évangéliser la personne à côté dans le taxi? En Afrique, on partage le taxi, hein, tu prends le taxi avec d'autres personnes. Même si c'est en particulier, tu es seul avec le chauffeur. Combien de personnes ont déjà essayé de parler au chauffeur? Avec violence, un gentil violence. Gentil violence, ça existe. Amen. C'est important. Une âme est une âme et elle est précieuse aux yeux de Dieu. Donc même le chauffeur de taxi est une âme. Même le footballeur à côté, c'est une âme. Même le petit qui est en route ou le bar, c'est une âme. Amen. Et il va falloir montrer une certaine violence. Alléluia. Nous sommes en guerre. Nous sommes trop confortables, c'est la vérité. Nous sommes trop à l'aise. On aime bien se lever le dimanche, aller à l'église, rencontrer ses amis, chanter, danser un peu, Dancing Stars. Vous allez danser. C'est bien, c'est beau. Mais les âmes qui étaient en route, alors qu'on venait, oh, regarde ces personnes. Ils font n'importe quoi le dimanche au lieu d'aller à l'église. Mais la Bible dit, comment est-ce qu'ils vont entendre s'il n'y a personne pour leur dire? Comment? Alléluia. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il y a un ennemi qui s'oppose à notre avancement. Ok? Il ne veut pas qu'on avance. Il ne veut pas qu'on gagne de nouveaux territoires. il va tout faire pour nous empêcher. Et si nous aussi, nous ne sommes pas violents et agressifs, on ne pourra pas. Amen. J'espère qu'après ce camp, nous tous, on aura le désir d'aller conquérir. Ce n'est pas seulement le boulot des pasteurs, le travail des pasteurs. Travail de berger. Mais c'est à tout le monde qui s'appelle chrétien, qui porte le nom de Christ. Amen. À nous tous, nous avons le devoir d'aller partout et conquérir. Alléluia. Ce sont les violents qui s'en emparent. 1 Pierre 5, 8 et 9 dit, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Alléluia. Le diable se présente comme adversaire. Ce n'est pas un ami. C'est un adversaire. Et la Bible dit, soyez sobres et veillez. Il rôde comme un lion, cherchant qui. Donc si tu te présentes, il va te dévorer. Si vous ne veillez pas, il va te dévorer. Ou il vous dévorer. Soyez sobre veut dire ne soyez pas ivre. Lorsque vous êtes ivre, vous n'êtes pas conscient de beaucoup de choses. Donc, soyez sobre veut dire soyez conscient. Conscient de votre environnement, de votre entourage, de ceux qui vous entourent. Il rôde comme un lion. Il veut vous dévorer. Il veut vous détruire. Si vous n'êtes pas vigilant, il va vous atteindre et vous détruire. Et le diable, il n'est pas aussi bête que nous croyons. Il est très intelligent. Très intelligent. Il ne va pas se présenter en habit rouge avec des cornes et une queue. C'est trop facile. C'est trop facile. Il va se déguiser en James Bond. Vous connaissez James Bond? En gentil petit garçon ou jolie petite fille. Il va se déguiser pour pouvoir s'approcher. Si vous n'êtes pas vigilant, et vous n'êtes pas sobre, vous serez dévoré. Vous serez le repas de midi. Le petit déjeuner du diable. Alléluia. C'est un combat. Alléluia. C'est votre adversaire. C'est votre ennemi. Apprenons à identifier l'ennemi. Dans une guerre, l'ennemi se cache. Il se déguise en espion. Espion peut être parmi nous, gentiment, tranquillement. Et tu ne sais pas ce qu'il a dans son esprit, ce qu'il planifie contre toi. Mais si tu es vigilant, tu vas remarquer, Tout à l'heure, j'ai remarqué quelqu'un, j'ai dit non, il faut que je vérifie, il faut que je contrôle pour voir si cette personne doit vraiment être ici. Bon, il devait être ici, mais j'étais vigilante. Amen. Yeah. Parce que si vous n'êtes pas vigilant, vous pouvez facilement être victime de beaucoup de choses. Amen. C'est la guerre. Et c'est un combat que nous menons. Amen. Wow. votre ministère ne vous sera pas offert sur un plateau. Sur un plateau. C'est facile d'aller faire un travail ou continuer un travail que quelqu'un a commencé. Mais d'aller dans un territoire vierge pour combattre et commencer. Non. D'abord, il faut débrouiller. Non, moi je connais le mot. Je veux savoir si vous connaissez le mot. Oh, ça c'est quelle histoire? Moi je connais le mot. Je voulais savoir si vous étiez aussi un peu débroussaillé. Yes, il va falloir tout commencer dès le début, dès le départ. Ça, ce n'est pas évident. Si tu n'as pas le front dur, si vous n'êtes pas déterminé et vous n'êtes pas agressif, vous ne pourrez pas accomplir quoi que ce soit pour le Seigneur. C'est un combat. Amen. Are you with me? Est-ce qu'il y a des guerriers dans la salle? Amen. 1 Chronique 11, 4. 1 Chronique 11, 4. Du 4 au verset 8. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, qui est Jébus. Là étaient les Jébusiens, habitants du pays. Les habitants de Jébus, dirent à David, « Tu n'entreras point ici. » Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. Les habitants disaient, « Tu ne peux pas entrer ici. » Mais qu'est-ce que David a fait? Il a dit, « Oh, ok, donc je m'en vais. » Non, ça c'est pas David. Il s'empara de la forteresse, pas d'une petite village, hein? Un petit village, une petite ville. Je sais ce que je fais. Allez-y doucement. Yeah? Ce n'était pas une petite ville ni un petit village. La Bible dit une forteresse. C'est avec détermination que tu vas entrer et vaincre les forteresses. C'est avec détermination. Alléluia. Avec agression. Avec force. Si vous voulez vraiment conquérir. David avait dit, quiconque battra le premier, les Jébusiens, sera chef et prince. Joab, fils de quelqu'un, Tseruja, monta le premier et il devint chef. David s'établit dans la forteresse. C'est pourquoi on l'appela cité de David. Il fit tout autour de la ville des constructions, depuis Milo et aux environs. Et Joab répara le reste de la ville. Il n'a pas seulement pris la forteresse, mais il a commencé à construire. Donc, il s'est installé. Amen. Quand vous commencez votre branche, installez-vous. Battez-vous pour que ça reste. Il ne faut pas commencer et après dire ça ne marche pas, on s'en va. On s'en va. Amen. Vous me suivez? Là-bas, vous me suivez? Je voulais être sûr. Amen. Quand vous commencez vos branches, vous avez conquéri la forteresse. Vous avez commencé. Ne dites jamais que cette branche ne va pas marcher. Battez-vous pour que ça marche et ça dure. David n'est pas seulement entré dans la forteresse, mais il commence à construire. Il n'avait pas de projet de partir. C'est pourquoi, quand nous arrivons dans un territoire, on veut bâtir une église. On veut laisser un bâtiment, un édifice, pour que les gens puissent voir que nous sommes là, nous ne partons pas. C'est un message. Oui, parce que quand les gens voient les grands bâtiments, ils sauront que nous sommes sérieux. Alléluia. Et pour construire, il faut l'offrande du. Yeah. Pour avoir le terrain en Afrique. Tu achètes le terrain, tu payes l'argent, tu signes les documents. Le lendemain, quelqu'un d'autre vient et dit, c'est mon terrain. Mais on a payé quelqu'un. Ça ne nous regarde pas. Et notre argent, ça n'est pas notre problème. Il faut payer encore. Pour le même terrain, tu peux payer 4, 5, 6 fois. Et quand vous finissez de payer, il y a quelqu'un qui va venir avec les papiers. C'est mon terrain, j'ai acheté ça. Le même chef va vendre ça à 5 personnes. Mais il faut le front dur. Yeah. Yeah. Bon. Troisième principe. Le principe de la guerre consiste à se défendre. Number one is what? Premier principe, c'est quoi? Le principe de la guerre consiste à s'emparer de nouveaux territoires. Deuxième point, à s'emparer des choses par la force. Si vous allez conquérir de nouveaux territoires, vous avez besoin de force, n'est-ce pas? Parce que c'est la guerre. Maintenant, pour pouvoir s'emparer de nouveaux territoires et pour pouvoir se battre, tenir dans le combat, il faut aussi être prêt à se défendre. Amen. Si vous êtes tellement occupé par le combat et vous oubliez de vous défendre, c'est perdu, n'est-ce pas? Parce que quelqu'un peut te toucher derrière la tête si tu ne te protèges pas. La guerre est déjà perdue. D'avance, hein? Amen. Il faut se défendre. Jean 10:10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Amen. Donc, lui, il a son objectif. Et il ne se détourne jamais de son objectif. Il sait ce qu'il veut. Et il est... Si vous devez admirer le diable, il faut l'admirer pour une chose. Il est persévérant. Ah! Il est persévérant. Il sait ce qu'il veut et il fait tout pour l'avoir. C'est le premier jour. L'ennemi, si tu ne fais pas attention, il t'a déjà identifié. Amen. Il vient pour dérober, égorger et détruire. Si vous n'êtes pas vigilant, il va vous tuer. Amen. Si vous n'êtes pas vigilant, vous allez dormir. Et vous allez rater le point principal. Le point qui va changer quelque chose dans ta vie. Amen. Yeah. Parce qu'il ne peut pas t'atteindre autrement. Il te fait dormir tranquillement pour ne pas écouter le message. C'est une stratégie. Nous devons apprendre toutes les différentes manières de faire de l'ennemi. Il va envoyer quelqu'un se mettre à côté de toi, te distraire avec le bavardage. Il va pas t'envoyer quelqu'un te parler de choses qui ne sont pas importantes. Il va te distraire avec des choses inutiles. Des petites guerres entre filles. Je suis sûre que même dans vos petites chambres là, déjà, les sœurs, il y a déjà un problème. Quelqu'un veut changer de chambre. Je n'aime pas la sœur qui est en haut. Je n'aime pas comment elle m'a regardé quand on arrivait. Je ne sais pas pourquoi elle me regarde comme ça. Elle me toise. Il va de quoi? Tu es distrait. Oui. Tu es distrait. Et l'ennemi, il sait que il ne se fatigue même pas avec toi parce qu'il sait que tu es inutile. Si tu es un chrétien et tu n'as jamais eu de combat, tu n'as pas eu de difficultés, tu n'as pas encore commencé. Un chrétien qui a une vie confortable, il n'est pas sérieux. Yeah. Si tu n'as pas de défi dans ta vie, c'est que l'ennemi, il ne te considère même pas. Ne sois pas heureux. Lorsque les gens disent, ah, j'ai tant de problèmes, tant de soucis, et tu es là, tu dis, ah, je ne sais pas pourquoi les gens souffrent comme ça. Moi, je suis chrétien. J'ai la foi. Je suis chrétien. Aucune arme forgée contre moi sera prospère. Hey! Non, tu n'as pas encore commencé la guerre. Attends. Tu n'as pas encore commencé. Yeah. Parce que l'ennemi, s'il t'a vu et il voit que tu es en danger, il fera tout pour te dérober. Ça, c'est voler. Voler ta paix, ta joie, ta quoi? Ta foi. Il fera tout pour te décourager. Égorgé. Il va te tuer. Il va te tuer. Comme disent les Congolais, il va se tuer. Il va te tuer. Yeah. Ça, c'est son objectif, de tuer quelqu'un. Tuer ta foi pour te faire rétrograder. Amen. Yeah. Détruire. Son objectif, c'est de te détruire. Yeah. Nous avons des chrétiens qui prient, viennent à l'église, ils font quelque chose, mais ils sont toujours impliqués dans des choses qu'ils ne peuvent pas arrêter. Ils ne peuvent pas. Mais qu'est-ce que vous faites? Je L'ennemi, il veut nous détruire. Ces petites habitudes nocturnes qu'on ne peut pas s'arrêter. C'est une distraction en vue de vous détruire. Distraction nocturne. Même dans la journée. Alléluia. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Yeah. Il veut te détruire. ce petit garçon qui t'a trompé depuis le début de l'année. Il t'a séduit. Tu n'arrives plus à réfléchir. Tu n'arrives plus à te concentrer. Hey. S'il ne t'appelle pas, tu ne peux pas prier. Hey. I don't think far. Tu n'arrives plus à réfléchir. Tu ne peux plus manger. Tu ne peux pas dormir. Oh. Tu n'as même pas faim. Hey. Non. Soyons éveillés. Yeah. Nous devons nous défendre à tout prix, coûte que coûte. Amen. Et tu ne peux pas te défendre si tu ne connais pas l'ennemi. Et si tu ne connais pas l'ennemi, il faut être vigilant. Tout le monde peut être ton ennemi. Tout le monde peut être un ennemi. Alléluia. C'est l'ennemi qui va te distraire. Même dans l'église, il y a des gens qui distraient. Il y a certaines personnes qui devaient être là, mais à cause d'un ami. You are welcome. Les Parisiens, welcome. Lucas, tu vous voulez tous regarder les Parisiens. Pourquoi? This is your forgive. Hallelujah. Are you there? Hey. Un voleur. Un voleur. Nous devons nous combattre pour nous défendre contre les agresseurs. Les agresseurs, c'est quelqu'un qui agresse, qui va agresser n'importe lequel, n'importe quel agresseur. Quelqu'un qui va agresser ta paix. Tu es dans une relation turbulente. Il est temps de prendre une décision. Dis, frère, tu m'agresses, tu agresses ma foi. Tu agresses ma paix. Ma paix. Tu agresses ma joie. Je crois qu'il est temps pour nous de nous séparer. Amen. Apprendre à les identifier. Il y a des amis avec lesquels vous ne pouvez même pas partager votre quiet time. Je parle de chrétiens. Quand vous commencez à dire, oh, vous êtes trop spirituel. Non. Trop spirituel. Donc, vous, quand on vous parle, c'est toujours verset. Il y a des filles qui ont refusé des garçons parce qu'ils ne font que parler des versets. Ils ne font que partager des versets. Alléluia. Nous devons nous défendre contre tout agresseur. Tout. Quelqu'un qui va nous empêcher d'évoluer dans notre foi. Quelqu'un qui va nous empêcher d'atteindre des objectifs spirituels. Si tu dis à ton frère, moi je veux un jour devenir pasteur, dis, toi aussi, faut pas exagérer. Je parle de l'église. C'est un agresseur. Amen. Vous devez vous défendre. Défendre votre foi contre les gens qui veulent te confondre. Tu es sûr que... Ah, tu es sûr que... Amen. Et vous devez aussi apprendre à défendre l'église. L'église dans laquelle tu te trouves. Nous avons une série de livres écrits pour la défense de l'église. Yeah. Vous connaissez le livre? C'est lequel? Loyauté et déloyauté. Ceux des fils dangereux. Ceux qui prétendent. Ceux qui vous quittent. Ceux qui oublient. Ceux qui vous accusent. C'est la défense. Ceux qui quittent. Ignorants. Thank you. Fils dangereux. C'est pour nous défendre. C'est pour empêcher la destruction de notre église. Amen. Alléluia. Il est important. Il est important pour nous de savoir que nous sommes dans une guerre. Et si nous allons accomplir de grandes choses pour le Seigneur, acquérir, s'emparer de nouveaux territoires, il va falloir reconnaître que nous sommes dans une guerre. Alléluia. Que nous devons être violents pour nous emparer de nouveaux territoires. Et nous devons aussi nous défendre. Alléluia. Si vous avancez, sachez qu'il y a quelqu'un qui va tout faire pour vous empêcher d'avancer de nouveau. Amen. Donc, ensemble, nous allons nous battre. Pas nous battre, mais battre nos ennemis. Alléluia. On ne va pas se battre ici, mais... Amen. Est-ce qu'il y a des combattants dans la salle? Est-ce qu'il y a des guerriers? Chowboy! Chowboy! Chowboy! Hey! Acclamez le Seigneur! Amen. Wow! Qui va nous chanter un chant? Singing Stars? Les stars? Ok. Dépêchez-vous. Do you have a song? Are you sure you are ready? Ok. Venez, venez, venez. Chantez la chanson. Je veux que tu sois auprès de moi, mais tu es toujours notre compagnie. Tu ne restes pas sur place, c'est évident. Tu aimes le monde et tu t'éloignes de moi. Parole est posée sur ta table, mais tu es préfère tes livres et magazines et la lumière de ta télé. Tu aimes le monde et pour lui tu m'évites. Tu es mes prières, tu es tes livres. À présent tu n'honores plus nos rendez-vous. Oh, je ne Je t'aimerais toujours de plus en plus, mais tu combats tout ce que je sais. Tu agis comme mon ennemi, tu aimes le monde et pour lui tu m'évites. C'est que j'aime le monde, tu aimes le monde et tu m'évites. Tu aimes le monde, tu aimes le monde et tu m'évites. Tu aimes le monde, tu aimes le monde, tu aimes le monde et pour les doigts tu m'évites. Tu aimes le monde, je sais que tu aimes le monde.